Conditions et listes des magasins participants sur intersport.fr. Pardon, vous gênez le passage. Vous cherchez quelque chose ? Oui, mais ça m'étonnerait que vous le trouviez en fait. Je suis super exigeant. Eh ben, dites toujours. Bon, ok. Je cherche tout. La tradition, le savoir-faire, le respect du bien-être animal, la qualité et un goût supérieur. C'est juste impossible. Bah, pourquoi ça ? Faut être malin. Cherchez le logo Label Rouge sur les viandes et volailles. Ah ouais, malin. Label Rouge. Bœuf, veau, agneau, porc, charcuterie, volaille, œuf. Soyez malin. Faites confiance au Label Rouge. Avec le concours de l'Union européenne, pour votre santé, évitez de grignoter. Vous aimez être à la pointe du raffinement ? DS Automobile présente DS7 Crossback. Avec ses projecteurs ciselés tels des pièces de joaillerie et ses feux tridimensionnels en forme d'écaille, ce SUV d'avant-garde incarne le savoir-faire français. Paré de matériaux nobles comme l'Alcantara ou le nouveau cuir Nappa brun alezan, DS7 Crossback signe un intérieur haute couture. DS Automobile vous convie à un essai exclusif 24 heures de DS7 Crossback dans son réseau dédié. Détails sur dsautomobile.fr. Leclerc. Chérie, mercredi et jeudi chez Leclerc. 80% de tickets Leclerc sur la lessive capsule Ariel Pods 3 en 1. C'est possible ça, 80%? Ah bah chez Leclerc, c'est comme ça. Les 28 et 29 novembre chez Leclerc, la lessive capsule Ariel Pods 3 en 1 de 30 lavages est à 9,99€, soit 12,33€ le kilo. Avec en plus 80% en tickets Leclerc. Produits dangereux et irritants, respectez les précautions d'emploi. Voir modalités et magasins participants sur www.1.leclerc. 80% de tickets Leclerc? 7,99€ sur la carte, j'ai calculé. Bon, ben, c'est ma femme qui m'avait dit chez Opel, ils prennent tout ce qui roule 4 000€ pour l'achat d'une Opel Corsa. Bon, je lui ai dit, t'as mal compris? Elle m'a dit si. J'ai dit non. J'ai dit 4 000€ contre un truc qui roule, c'est pas possible. Elle m'a dit si. J'ai dit non. Du coup, l'offre, elle est passée. Et en fait, c'est ma femme qui avait raison. Depuis, avec Mamour, c'est tendu. C'est pourtant vrai. Pendant les German Days, journée allemande jusqu'au 30 novembre, Opel vous reprend tout ce qui roule 4 000€ minimum pour l'achat d'une Corsa neuve en stock. Offre non cumulable réservée aux particuliers, conditions sur opel.fr. Pour une vie sans carbone, chez Vattenfall, on aurait pu vous inciter à éteindre votre radio. Ouais, mais si on fait ça, les gens vont pas entendre la fin de notre spot. Bonne remarque, oui. Pas bête. Nous proposons donc plutôt une électricité neutre en carbone, 12% moins chère. Appelez le 3255 ou rejoignez-nous sur vattenfall.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Offre de marché, voire conditions sur site, prix d'un appel local. Bonjour et bienvenue sur RTL2. C'est le Double Expresso, tout va bien, 8h. Et c'est l'heure des infos tout de suite avec Raphaël Thomas. Bonjour Raphaël. Bonjour Justine, bonjour à tous. La réponse d'Emmanuel Macron aux Gilets jaunes. Le chef de l'État doit s'exprimer ce matin depuis l'Élysée pour tenter de trouver une sortie de crise. Hier, des manifestants ont créé une délégation officielle de 8 porte-paroles. L'objectif, nouer un contact avec le gouvernement, une initiative qui ne fait pas l'unanimité au sein du mouvement. Certains Gilets jaunes ne reconnaissent pas leur légitimité. 130, c'est le nombre de femmes mortes sous les coups de leurs compagnons, de leur ex-conjoint l'an dernier. C'est 7 de plus qu'en 2016. Ils sont aussi 25 enfants à avoir été tués dans le cadre de violences conjugales. Le gouvernement lance ce matin un portail qui va permettre de signaler en ligne toute agression sexuelle et sexiste 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Les victimes pourront entrer en contact par chat avec des policiers ou des gendarmes spécialement formés. Opération de police inédite au Sénat. Un fonctionnaire a été arrêté par les services de renseignement. Il est soupçonné d'espionnage pour le compte de la Corée du Nord, il aurait fourni des informations confidentielles à Pyongyang susceptibles de porter atteinte à la France. Il a été placé en garde à vue. À l'étranger, en Ukraine, c'est une première depuis 27 ans. Le Parlement a voté la loi martiale pour 30 jours hier. Pendant un mois, les autorités vont pouvoir réguler les médias et limiter tout rassemblement public. Une conséquence de nouvelles tensions avec la Russie qui a capturé une vingtaine de marins ukrainiens. On passe au sport avec en football. Le retour ce soir de la Ligue des Champions. Cinquième et avant-dernière journée de la phase de poule à 21h. Lyon qui est deuxième de son groupe accueille Manchester City. Demain, le PSG recevra Liverpool. Monaco se déplacera sur la pelouse de l'Atlético Madrid. Toujours en foot, Nîmes de son côté reçoit Saint-Etienne à 19h. Un match dans le cadre des 16e de finale de la Coupe de la Ligue. La rencontre qui était prévue le mois dernier avait été reportée à cause de la pluie. Enfin, atterrissage confirmé sur Mars. La sonde InSight s'est posée comme prévu sur la surface de la planète rouge hier soir. Après 7 mois de voyage dans l'espace, sa mission maintenant étudie la composition des sous-sols de Mars afin de comprendre comment la planète rouge s'est formée. La NASA espère pouvoir y envoyer des humains d'ici le milieu des années 2030. La météo, une nouvelle perturbation pluvieuse arrive ce matin par la Bretagne et la Basse-Normandie. Cet après-midi, elle va gagner un bon quart nord-ouest du pays. On attend beaucoup de vent près des côtes, jusqu'à 90 km/h en rafale sur le Finistère. Du côté de la Méditerranée, en revanche, là, il y aura de belles éclaircies avec beaucoup de mistral et de tramontane. En Corse, le temps sera variable avec quelques averses. Sur le reste du pays, les nuages domineront. Les températures ce matin, 3 degrés à Roanne et à Metz, 4 à Gravelines, 6 à Saint-Brieuc et à Orange, 8 à Soulac-sur-Mer, 9 à Sagonne. Cet après-midi, on attend 6 degrés à Chambéry, 7 à Laon, 8 à Paris et Saumur et 12 degrés à Leucate. 8h03, bonjour à tous, bonjour Justine. Bonjour Greg, bonjour tout le monde. Nouvelle heure du double expresso RTL2, bonne fête aux Séverins aujourd'hui et on écoute Coldplay sur RTL2. Sur RTL2. Grégory Achère et Justine Salmon. C'est le double expresso RTL2. 8h07, bonjour à tous, bonjour l'équipe. Bonjour Justine. Coucou Greg. Bonjour Jonathan Donnel. Bonjour. 8h55, hein, le top 3. Évidemment, toujours là. Aux réseaux sociaux, c'est Max. Coucou. Bonjour, très bien. Et bonjour à Jérémy qui est aux manettes de l'émission. Bonjour. Ça va bien ? Ça va tranquille. Bon, il y a Anaël et Clara, bonjour les filles également. Qui sont bonjour. Là. Et Jules qui traîne avant de parler de notre soirée, mais quand même. On peut pas passer à côté. Il a 77 ans aujourd'hui. Aimé Jacquet. Bah oui. Mon aimé. Le champion. Bah, je vous le dis, vous allez perdre les gars. J'ai cru que c'était Gloria Gaynor. Je me suis dit, non, Aimé Jacquet, sélectionneur de l'équipe de France en 98. Bah, oui. Aimé. Dieu aimé, forever aimé. 98, forever. J'ai écouté dire 98 ans, non, pas 77 ans, effectivement, 1998. Bon, t'as passé une bonne soirée, Justine? Oui, bon, vraiment, j'ai l'impression que les lundis se suivent et se ressemblent. L'amour est dans le pré, une petite tisane. Oh là là. J'ai pas trop de vie le lundi et le mardi, je reprends après, mais oui, pas trop. Oui, tu te rattrapes après. Ouais. Et toi, Greg, t'as fait quoi? Bah, moi, j'ai oublié un dîner d'équipe. Voilà, comme d'habitude. Comment ça? Bah, c'est-à-dire que, à côté de la radio, j'ai aussi la télé avec l'équipe d'Estelle, par exemple, oui. Tu vois, sur la chaîne L'équipe, et j'avais oublié qu'il y avait le dîner de l'équipe hier soir. Donc, j'ai pris un petit du... Tu n'auras pas mangé. Non, parce qu'il y a le dîner de l'équipe. Je me suis fait engueuler. Ouais. Mais ça, c'est ta spécialité. Tu oublies tout. Achète un agenda. Oui. Et tu préfères quelle équipe? Voilà. On va écouter Midnight Oil. Ben Zarbani. Mais c'est vous que je préfère. Vous êtes mes amours. Ouais. Where the river broke, the bloodwood and the desert oak, holding wrecks and to pay our share.

8h18, c'est le double expresso RTL2, on joue dans une demi-heure. On va jouer au jeu de la banque, appelez-nous au 3228 pour gagner encore jusqu'à 10 000 euros. Ce sera 8h45 et comme promis, voici Shania Twain sur RTL2, bonjour. They were pretty smart, but you've got being right down to an art. You think you're a genius, you drive me up the wall. You're regular original, know-it-all. Oh, you think you're special. Oh, you think you're something else. Okay, so you're a rocket scientist. That don't impress me much. So you got a car that don't impress me much. So you got the moves, but haven't got the touch. Now don't get me wrong, yeah, I think you're alright. But that won't keep me warm in the middle of the night. That don't impress me much. Oh no, you think you're cool, but haven't got the touch. Nah, don't get me wrong, yeah, I think you're alright. But that don't impress me much. Uh-huh, yeah, yeah. Okay, so what do you think? You're Elvis or something? That don't impress me much. Oh, no. That don't impress me much. Shania Twain, that don't impress me match sur RTL de 8h21. L'info expresso RTL 2. Alors, qui est le plus grand chanteur de tous les temps, Greg? Alors, petit tour de table, rapide, pour vous, qui est le plus grand chanteur de tous les temps? Pour moi, c'est Michael Jackson. Michael Jackson, Jonathan? Je suis d'accord Michael sur Michael Jackson, Max. Il y a Justine lors des soirées karaoké, mais. Ah, ouais. Allez, Ray Charles quand même. Ray Charles, et pour toi, Jérém? Moi, j'aurais dit Johnny, moi. Johnny, d'accord. Made in France. Eh bien, vous avez tort. Ce n'est pas lui, selon la science. Parce qu'évidemment, après, c'est subjectif, hein, les goûts et les couleurs. Selon la science, c'est lui. Jordi? Non, c'est pas Jordi. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu... Je pensais... Pourquoi alors que je fais un effet de manche. Tu vois, je fais mon barbeau et toi, t'es là, tu m'envoies Jordi. C'est lui. C'est Freddie Mercury. Ah, ton idole absolue. Bah, bien sûr, c'est le grand Freddie qu'on retrouve dans Bohemian Rhapsody en ce moment. Bohemian Rhapsody. Oui, c'est mieux. On aurait dit Jérém. Je l'ai dit à la Jérémy. C'est lui le plus grand chanteur de tout le temps. Ben vous êtes d'accord quand même, la voix de Freddie Mercury, ben oui. C'est quelque chose d'assez exceptionnel. On a trouvé ça sur GQ.fr. En fait, c'est la science qui nous dit ça. C'est une étude acoustique de l'œuvre de Freddie Mercury que montre que sa voix était très particulière, voire complètement unique. Alors, je parle pour les chanteurs rock et pop, hein, par rapport évidemment aux grands chanteurs lyriques ou d'opéra. C'est encore autre chose, mais ses analyses en interview et dans ses chansons montrent qu'il parlait avec une voix de baryton, qu'il avait une rapidité exceptionnelle, une modulation répétitions parfois assez régulières et donc qui en faisait un chanteur absolument incroyable, peut-être le plus grand chanteur, avec un vibrato hallucinant. C'est la science qui nous le dit, c'est scientifique, mes enfants, vous pouvez l'annoncer à tout le monde. Et tu es d'accord avec la science, toi ? Oh bah, oui, complètement. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, sur Facebook ? On vous a posé la question. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de participation, merci. Il y a beaucoup de réactions, la plupart sont d'accord avec toi, Greg, d'ailleurs. Freddie Mercury, bien sûr, je suis totalement d'accord avec Greg, nous dit Linda. Michael Jackson aussi, on est sur du milieu. Michael Jackson, c'est aussi un performeur avec une danse, une création, autre chose. Freddie Mercury, c'est de la voix pure. Et comme tu dis, c'est la science. Voilà, c'est de discuter. Vous savez quoi ? Ne discutez même plus. Ok. Maintenant, on ne discute plus. On s'en va, tant pis. Ah, tu veux pas discuter, toi ? Ça m'arrange. On va écouter Panic at the Disco. I Hope dans le double expresso RTL 2, 8h23. Écoutez ça, ça met de bonne humeur et c'est sur RTL 2. Panic at the Disco, High Hopes, ils cartonnent. Mais alors vraiment, ils sont numéro 1 aux États-Unis dans la catégorie Hot Rock Songs, Rock Airplay, Rock Digital Song Sale, Alternative Song. Alors là, c'est numéro 1 partout et ils sont sur RTL 2. 8h26, l'heure de l'horoscope. Exactement, on y va, Justine, avec les médailles de bronze et on commence avec les Gémeaux. Allez, Gémeaux, on t'écoute, Greg. Arrêtez de voir le verre à moitié vide et profitez de la vie. Les Vierges, bah Justine. Bah oui, c'est moi. Bah ouais. Vous ne souciez plus du regard des autres, il vous empêche d'avancer. Les Poissons. Vous êtes parfois un peu trop jaloux, faites attention. Les médailles d'argent avec les Béliers. La bienveillance fait indéniablement partie de vos qualités. Les Taureaux. On vous laisse toujours prendre les décisions, vous avez une âme de leader. Les Lions. Quels que soient vos objectifs, à vous les atteignez toujours. Les Balances. Les gens ne seront pas insensibles à votre charme aujourd'hui. Les Scorpions. Vous êtes très gentils avec vos proches, ça c'est très apprécié. Les Sagittaires. En ce moment, vous avez beaucoup de chance. Capricorne. Une rencontre spontanée pourrait bien embellir votre journée. Verseau. Vous donnerez le sourire à tous ceux que vous croiserez. Et la médaille d'or. Pour les cancers aujourd'hui, amour, travail, santé, tous les voyants sont au vert aujourd'hui. Alors un conseil, profitez-en. Entre les nids.

Allez Raphaël, on passe au sport en foot. Objectif 8e de finale pour Lyon ce soir. Et oui, à 21h, l'OL, deuxième de sa poule, accueille Manchester City à l'occasion de la 5e journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions. En septembre, les Français avaient réussi l'exploit de battre les Anglais de 2-1. Demain, le PSG recevra Liverpool. Monaco se déplacera sur la pelouse de l'Atlético Madrid. Toujours en foot, Nîmes reçoit Saint-Etienne à 19h, un match dans le cadre des 16e de finale de la Coupe de la Ligue. La rencontre prévue le mois dernier avait été reportée à cause de la pluie. On passe à la météo. Une nouvelle perturbation pluvieuse arrive ce matin par la Bretagne et la Basse-Normandie. Cet après-midi, elle va s'étendre sur un bon quart nord-ouest du pays. On attend beaucoup de vent près des côtes, jusqu'à 90 km/h en rafale sur le Finistère. Soyez prudents. Du côté de la Méditerranée, en revanche, il y aura de belles éclaircies. Là aussi, ça va souffler. Beaucoup de mistral et de tramontane. En Corse, le temps sera variable. Quelques averses. Sur le reste du pays, c'est la grisaille qui dominera. Les températures ce matin, il fait 2 degrés à Sarreguemines, 3 à Belle-Île-en-Mer, 4 à Roubaix et à Aubagne, 5 à Paris-Écorté et 9 degrés à Hendaye. Cet après-midi, on attend 7 degrés à Versailles-Amboise et Annecy, 8 à Lyon et 13 à Argelès-sur-Mer. 8h33, merci beaucoup. Retour des infos à 9h dans le Double Expresso RTL2. Voici Lenny Kravitz. La France avec RTL2. Le double expresso RTL2, le winner du jour. Alors, tu l'as trouvé où ce winner? Sur 7sur7.be. Oui, les garçons, est-ce que vous avez déjà été en colocation? Oui, oui, en effet. Je suis marié avec des enfants, donc oui. Oui, c'est kiff-kiff. Mais non, avec des, quand j'étais plus jeune. T'as pas fait bah ça? Oui, la mais coloc, non, quoi. Non, parce qu'il y a des gens. Oh, c'est génial. J'avais être tranquille. Non, mais c'est pas possible. Bon, je vous raconte une histoire plutôt drôle sur Twitter. Un internaute a en fait partagé la liste des règles assez hallucinantes à suivre au sein d'une colocation à Londres. Vas-y. C'est une jeune femme donc qui mettait sa liste pour habiter avec elle. Il fallait faire ça. Voilà. Donc, par exemple, si la personne décidait de vivre dans cet appartement, bah, la personne aurait l'obligation de sortir entre 9h du matin et 17h. Alors, pourquoi ? Parce que la femme qui a rédigé ce règlement fait du télétravail et refuse d'être dérangée. Ah, tu peux pas être chez toi de 9h à 17h. Tu peux pas être chez toi. Voilà. Bon, si tu travailles de 8h30 à 18h, ça va. Oui. Ok, allez, admettons. Lorsqu'il est à la maison, le colocataire ne peut pas téléphoner ou utiliser Skype durant des heures parce que ça fait des bruits. Enfin. Et pire, alors, pire, pour moi, le pire du pire, vous ne pouvez pas rire après 23h. Hein ? Ça, c'est impossible. Bah, disons que si elle nous avait, nous, ça irait. Parce qu'on dort. On dort. Oui, mais bon. Sur l'annonce, c'est également précisé, nous ne faisons pas de fête, nous ne cuisinons pas, nous ne regardons jamais la télévision ensemble. Ah, oui. Je vois pas l'intérêt d'une coloc à un moment. Hein. Je veux bien que chacun ait sa vie, mais bon, ça les va sous. Ah, oui, les sous, oui. Ouais. Donc, quoi qu'il en soit, le nouveau coloc aura l'obligation d'être poli et amical lorsqu'il croisera par hasard les autres habitants de l'appartement. Oui, bon, bah, ça, c'est un peu la base. Et l'utilisation de la cuisine ne se fait qu'entre 8h30 et 23h. Pas avant, pas après. Et l'usage des toilettes est limité. Ah oui, c'est ça, c'est l'angoisse. Ah bon, je m'en vais là, alors. Attends. L'usage des toilettes est limité ? Est limité. Alors ça, il n'y a pas d'horaire, ah, je ne sais pas. Non, mais complètement taré. Et la femme précise toutefois qu'elle vit selon le principe vivre et laisser vivre et qu'elle est assez facile à vivre. Ah bah oui, bien sûr. Elle est tensionnaire. Elle laisse les clés de la cage quand même quand on veut sortir. Mais quel enfer ! Oh là là. On vous poste ça sur la page Facebook RTL2. On vous laisse commenter et l'insulter. Voici My Cat Mechanics sur RTL2. Over My Shoulder, le son pop rock des années 90 sur RTL2. Nous allons jouer à la banque RTL2. C'est la dernière du jour, faut se dépêcher hein, pour s'inscrire. C'est maintenant que ça se passe. Hein. Et ça se passe soit par téléphone 3228 ou par SMS. Vous envoyez le mot banque au 74 900. Et on peut gagner jusqu'à 10 000 euros. Ok, Rambo. Écoutez RTL2, we are good news. À l'occasion de la sortie de leur nouvel album Simulation Theory. Écoutez RTL2 et partez à Londres pour le concert de Muse. À tout moment sur RTL2. We love RTL2, the pop rock radio.

lay back, it's all been done before. And if you could only let it be, you would see. I like you the way you are when we're driving in your car. And you're talking to me one-on-one, but you become somebody out round everywhere. Like you're something else. Where you are and where it's at, you see, you're making me laugh out when you strike your pose. Take off all your preppy clothes. You know you're not fooling anyone when you become. Complicated sur RTL2. C'est l'heure de la banque RTL2. 8h49, bonjour Élise. Bonjour Greg, bonjour Justine, bonjour tout le monde. Salut Élise. Bonjour, l'équipe, Élise vous dit bonjour. Bonjour l'équipe. Voilà. C'est comme ça qu'avec votre mère on vous bonjour. A élevé. Vous êtes mal poli, hein. Hein, on vous a pas élevé comme ça avec Juju, hein. Pardon. Alors quand on regarde les gens dans les yeux, on dit bonjour. Bonjour madame. Voilà. Bonjour. Oh non, c'est pas... cette tête de petit garçon. Élise, vous êtes à Fontaine-sur-Saône, c'est pas très loin de Lyon, vous nous écoutez sur 95.7. Vous aimez les jeux vidéo, c'est ça? Vous êtes une gameuse? Un petit peu. Bah, quand mon mari me passe la manette, je peux jouer, oui. Vous jouez avec quelle console? La PS4. Alors, il y a peut-être une Xbox One, pas facile à dire, à gagner, une PS4, une Switch. Bref, comme ça, j'ai cité tout le monde. C'est fait. On peut gagner jusqu'à 10 000 euros. Il y a des séjours au ski. On vous souhaite le meilleur pour cette banque, hein, Élise. On croise les doigts. Attention au coffre vide. Top chrono, une minute. Voici le coffre. 500 euros à dépenser sur placedestendances.com. C'est bien, hein. C'est bien. Ouais, ah je oui. passe. Je pense ah bah, pas de shopping. C'est allez. Bien, mais non. Alors, coffre 2. Une pince à linge. Bravo. Non, pas non. En tout cas, vous rigolez. Coffre 3. Vous êtes polis. Ouais. Une console Nintendo Switch. Ah, tiens, j'en parlais. 309 euros, la Switch. Je tente, non, je passe. Vous êtes sûr? Ouais. Allez, il reste 28 secondes. Coffre 4. Un séjour dans un club des Lambras. Waouh, 2000 euros. Oui. 4 oui. personnes. Ah, j'entends pas trop, Élise. On a une coupure, malheureusement. Je sais pas ce que vous voulez faire. On prend ou on prend pas? Oui, je prends. Allez, bravo. Ouais. Oh là, je suis pas sympa. Et Élise, en plus, vous avez deux enfants. Vous allez pouvoir emmener toute la famille. Hébergement, cette nuit dans un logement pour 4 personnes, demi-pension évidemment, 2000 euros de séjour en club Bellambra pour toute la famille. Chapeau Élise, ça nous fait plaisir, c'est pour vous. Oh, hein. Merci, ah, c'est merci, cool. merci infiniment. Avec plaisir, qu'est-ce qu'il y a dans le coffre suivant? Un séjour pour 2 personnes dans le domaine des Portes du Soleil. C'était le ski. Pour deux en plus. Donc du coup, vous allez toute la famille là, comme ça c'est bien, c'est chouette. Oui, voilà, c'est très bien. Oh, vous êtes émue, ça nous fait quelque chose. Ah, bah, oui, moi ça me remue le cœur. Moi ça me remue le cœur. Oh, oui, vous avez fait de moi une petite chose sensible toutes et tous, hein. Vous vous rendez compte, hein. Mais ça nous fait du bien, on est contents. On vous embrasse, on vous souhaite une belle journée et Élise, qu'est-ce qu'on vous sert sur RTL2? Un double expresso, bien sûr. When you look so good, you're painting. About me sur RTL2. Le double expresso RTL2, le top 3 de Jonathan O'Donnell. Et c'est parti pour une revisite complète de l'actu avec Jonathan O'Donnell. T'es en forme ? Ah, je suis très en forme. Alors on y va. Ok, on part aux États-Unis. Depuis 6 mois, une dinde terrorise les habitants de Johnston. Elle attaque les gens et les pneus à coups de bec. Pourquoi ? Mais enfin. Ah, je sais pas. Mais bon, elle fera moins la maline à Noël au milieu de la table avec du persil dans le derrière quand même. Hein. Profite. Déjà qu'il y a eu un génocide à Thanksgiving. Elle a survécu. Et... Ah, ouais. C'est fini tout ça. Allez, on parle cinéma. Alain Delon a déclaré qu'il ne voulait pas d'hommage national à sa mort, mais seulement son chien. Enfin. Bon. Bah ouais. Et le chien a répondu non merci, moi je vais profiter de l'héritage. Ouais. Il a bien raison. Et on termine en Espagne. Candidat à Barcelone, Manuel Valls ne connaît pas le prix d'un ticket de métro. Oh, ouais. Pas quand même. Ouais, bon, je vois pas où est le problème. Moi je connais pas la fréquence d'RTL2. Oh non.